Je sais pas si c'est la mer ou le vent. C'est la mer. Peut-être si je cache le vent. Non mais je te jure c'est la mer. Ok. On va forcément la gêne, mais... Écoute. T'as vu? T'entends la différence? Que le vent ça fait vraiment... Peut-être on pourrait cacher le vent. Que là ça fait... Ouais. Ça fait des vagues. Ouais voilà. Exactement. Meg. Ok, donc on enregistre la mer. Sur des cadres en Instagram. Ah oui, je coupe le son. Et je remets le son. L'avantage du trépied, comme ça tu peux mettre une bonne bande de trépied. Mais quand tu trépied, c'est que tu mets des trépieds. Donc t'as pas un bébé. Ça c'est trop bien. Je vais enregistrer les fourmis. On est déjà à une minute d'enregistrement. Ah, c'est enregistré là? Ouais. Ok. T'entends la mer? Ouais. C'est drôle, hein? J'entends le vent, les oiseaux. T'entends les oiseaux? Ici, là, c'est ouais. Le diaphragme, c'est l'œil. Tu sais, mais si on n'a pas fait tout ça. Non, on entend tout. Tu que j'essaie de cacher du vent pour t'entendre que la mer? Ouais, on entend les deux quand même. C'est galerie, hein? À l'extérieur, tu fermes au maximum. Ok. Et ensuite. C'est ça qui va arriver. Donc, LV, c'est pour voir ce qui se passe sur ton écran. C'est trop bien, par contre, de s'entendre parler. Il faut glisser un peu le son. Et là, maintenant, je vais régler la lumière, donc ça s'appelle des ISO. Et si on enlève le chat, je veux bien essayer. Vas-y. Avec le vent, ça va être horrible, je pense, mais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la plage de Villers-Martin? Alors, L'évolution de la ville. L'évolution de la ville, je sais pas, mais on a un très bon front de mer, ouais. C'est une très belle plage, plutôt bien entretenue, on a une belle vue. Ouais, c'est apaisant, c'est calme. Ok, et vous disiez que c'était le quartier le plus proche de la mer, oui. HLM, de toute la France. Exactement, oui. Même à Marseille, il n'y a pas des quartiers aussi proches de la mer? Non. Cool. Oh, ah mais c'est top, c'est bien. On expérimente. C'est cool. Ah j'aimerais trop qu'on enregistre les bagages. Ça se change, on a acheté notre objectif. On est vraiment de près, ouais. Tu sais. Bon, allez-y, c'est vraiment pas... essayer de capter les mouettes. Hein. Un petit enregistrement des bruits du chemin côtier de Villers-Martin. On n'entend pas les oiseaux. On dirait que... Ah oui, t'as essayé les oiseaux. On dirait que je cherche un Pokémon, là. On dirait un peu un son de fou. Ouais. Ça y est, j'entends. Le bouton rouge, c'est une vidéo. Ok. Quel art. Après, on peut même essayer, je ne sais pas si vous connaissez cet effet visuel. Ah, le vertigo. Ça. Vertigo, tu connais? Ouais. Tu l'as déjà testé? Oui. Tu veux l'essayer? Je suis chaud. Allez, attention, on va te faire un vertigo. Ok, alors bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui au fort de Villers-Martin avec Benoît et Georges. Bonjour, nous venons vous présenter la forteresse de Villers-Martin. Ok, du coup j'espère que vous êtes prêts pour la suite de l'aventure. Donc c'est parti messieurs dames. Donc du coup on a choisi ce lieu là parce que on trouvait qu'il était assez diversifié, intéressant. Alors on a le côté de la mer, les vagues, tout ça, donc c'est quand même assez sympa. Puis après on a le fort, donc du moins le bunker qui avait été créé, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire les années. C'est parti. Ok, donc alors moi personnellement, Si j'aime bien cet endroit, c'est parce que je trouve que c'est calme, c'est pas comme en centre-ville, que c'est sympa pour se poser, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Franchement, je trouve que c'est assez sympa. T'as un lieu de poser ? Bah ouais, il y a un lieu que je préfère. C'est plus de ce côté-là, quoi, au niveau du phare. Parce que on a une belle vision en fait, on voit beaucoup quoi. Ce petit banc là aussi, c'est un de mes préférés, vous voyez. J'aime bien me poser ici, quand il n'y a pas de monde, on est solo et puis c'est bien, c'est sympathique. Yep. Aujourd'hui on s'exerce en tant que vidéaste et enregistreuse. Donc alors là, nous allons du côté de la plage, un petit peu plus rapprochée. Et on va entendre le bruit des vagues, et puis le bruit du vent, et le bruit des oiseaux. C'est un joli endroit pour venir se poser. Namoureux. Très bien, alors bonjour madame, qu'est-ce que ce lieu vous évoque s'il vous plaît ? La détente, la beauté et les rencontres avec des gens, beaucoup, beaucoup de rencontres. Sur ce bord de mer, il y a beaucoup de rencontres avec les gens. Très bien, mais merci beaucoup à vous, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Et toi le petit waf waf, tu dis un petit mot ?